Question 29. Je suis bien placé si je circule à 45 km/h. Réponse A. 55 km/h. Réponse B. 65 km/h. Réponse C. 75 km/h. Réponse D.